merci à tous d'être à l'écoute des programmes de Radioactive. On se retrouve pour un nouveau numéro du Mag d'Actu avec aujourd'hui un coup de projecteur sur le festival Culturissimo, un événement initié par les espaces culturels Leclerc et ce depuis 11 ans. Date officielle de lancement ce mercredi 17 avril 2024. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Sébastien Balu de l'espace culturel Leclerc d'Amboise. Bonjour Sébastien. Bonjour Marlène, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Alors, rendre la culture accessible à tous et partout, c'est la démarche entreprise par les espaces culturels Leclerc depuis un petit peu plus de 10 ans au travers d'une initiative relayée dans plus de 70 villes de France, ce fameux festival Culturissimo. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement, Sébastien ? Tout à fait, Marlène. Donc, le festival Culturissimo, comme vous le disiez, existe depuis maintenant 10 ans. C'est donc la 11e édition au niveau national. C'est une première édition pour nous. D'accord. Sachant que le festival propose des rendez-vous culturels gratuits aux quatre coins de la France, essentiellement dans les petites et moyennes villes où sont implantés les espaces culturels. Et ce sont des événements essentiellement autour de la littérature. Un mélange de styles, un petit peu. On parle de théâtre, de cinéma, de musique et de littérature. Et je crois savoir qu'il y a d'ailleurs, comme chaque année, un thème qui est des mots et des notes. C'est ça, tout à fait. Alors, quel est le programme de Culturissimo localement à Amboise ? Alors, cette année, comme je disais, c'est donc une première édition pour nous et nous avons la chance d'accueillir Monsieur Philippe Torreton, acteur de théâtre, de télé, de cinéma, sociétaire de la Comédie Française et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, écrivain. Et il viendra donc nous offrir la lecture de son dernier roman qui est paru début avril, qui s'appelle Un cœur outragé. Et donc, il nous offrira cette lecture au théâtre Beaumarchais le lundi 29 avril 2024 à 19h. Alors c'est quoi un petit peu le pitch de ce bouquin, alors, Sébastien ? Sans trop vous spoiler, évidemment, ça raconte l'histoire d'un comédien, Albert Stéphan, qui, après des débuts prometteurs, voit sa carrière s'essouffler et tombe progressivement dans l'anonymat. Jusqu'à ce qu'il découvre Émile Ajar, le pseudo sous lequel Romain Gary a remporté son deuxième prix Goncourt. Et donc, il lui vient l'idée, comme lui, de se créer une nouvelle identité, avec l'aide de deux de ses amis, un producteur et un maquilleur d'effets spéciaux, et donc de se grimer pour se donner une nouvelle chance et ainsi se jouer de la grande famille du cinéma qu'il a petit à petit mise au placard. On sent un petit esprit de vengeance hein, dans ce livre de Philippe Torreton. Alors, comme vous le disiez, célèbre comédien, acteur, écrivain, qui va proposer cette lecture. Ce sera le 29 avril, n'est-ce pas ? Exactement, le 29 avril au théâtre Beaumarchais d'Amboise. L'entrée est gratuite, c'est simplement des invitations à retirer à l'espace culturel du Leclerc d'Amboise. On peut d'ores et déjà prendre contact avec le Leclerc d'Amboise ? Tout à fait, oui. Nous avons déjà les souches, il y a ce qu'il faut, vous pouvez venir nombreux et surtout, oui, venez nombreux. Alors ce livre, j'imagine qu'on peut se le procurer à l'espace culturel oui. Leclerc d'Amboise. Oui, tout à fait, bien sûr, vous pouvez vous le procurer à l'espace culturel Leclerc, mais vous pourrez aussi vous le procurer le soir de la lecture au théâtre d'Amboise, ainsi que les différents ouvrages de Monsieur Torreton. Puisqu'il y aura ce qu'il faut, et avec un peu de chance, peut-être vous le faire dédicacer. C'est ça, parce que l'idée, c'est qu'il y ait une lecture, mais aussi un échange, je crois, après la lecture, avec possibilité de dédicace. Exactement. Une lecture, donc, je ne pense pas de l'œuvre complète, mais surtout, oui, un échange possible après avec l'auteur. Très bien. Peut-être d'échanger, d'ailleurs, avec Philippe Torreton autour d'un petit cocktail offert par Leclerc. Peut-être. Comment ça se décide une programmation comme celle-là, puisque c'est la première édition, donc vous essuyez un petit peu les plâtres de cette organisation. Comment ça se décide ? Est-ce que chaque centre culturel Leclerc a la main libre pour la construire ? Est-ce qu'il y a des injonctions nationales ? Comment ça se prépare ? J'ai envie de dire que depuis 10 ans, c'est quelque chose qui est relativement rodé. Et au final, il y a une société de production qui gère tout ça en amont au niveau national et qui nous propose un catalogue d'artistes disponibles. Qu'on a pu feuilleter ensemble juste avant cette émission. Il y a Oxo Puccino, par exemple, qui l'année dernière est intervenu à Blois. Exactement, il a fait lecture-concert. Ce rendez-vous, selon vous, Sébastien, il s'adresse à un public déjà sensible à la littérature ou est-ce que ça peut être un moment de découverte aussi pour des amateurs ? Je pense, moi, que c'est un moment de découverte. De toute façon, la culture, elle est à découvrir, quoi qu'il arrive. Et donc, il ne prend aucun risque à venir découvrir un acteur qui va lire son texte. Texte qui plus est, me semble plutôt sympathique à écouter. Philippe Torreton, d'ailleurs, que l'on retrouve actuellement à l'affiche de La Promesse Verte, aux côtés notamment d'Alexandra Lamy, un film que vous pouvez aller découvrir entre autres chez notre partenaire du CGR de Tours Centre, puisqu'il est toujours à l'affiche actuellement. Donc un Philippe Torreton, multifonction, couteau suisse, comédien, acteur, écrivain, qui présentera son dernier livre, Un cœur outragé, aux éditions Kalman-Lévy, et qui donnera à voir avec finesse les turpitudes et le règne des apparences constitutives de l'univers du cinéma, comme vous nous l'expliquez. expliquait Sébastien il y a quelques instants. Oui, et j'aimerais rebondir, vu que vous parlez de partenaires, je souhaitais remercier la mairie d'Amboise ainsi que le service culturel d'être partenaire de cet événement qui, je le répète, est gratuit. Eh bien, merci Sébastien Balu d'être venu dans le studio de Radioactive pour présenter cet événement, le 11e Festival Culturissimo, un événement qui prône l'accès à la culture pour tous et partout, avec ce rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de littérature et de cinéma, avec Philippe Toreton, le 29 avril au Théâtre d'Amboise à 19h, pour une lecture publique, mais toutefois sur réservation, de son livre Un cœur outragé aux éditions Calman-Lévy. Où est-ce qu'on peut se renseigner ? Bien directement à l'accueil de l'espace culturel du Leclerc d'Amboise. Très bien, et si on ne veut pas se déplacer, site internet, page Facebook ? Page Facebook. Ouais, très bien. Eh bien c'est noté, merci beaucoup Sébastien. Merci Marlène. C'est la fin de ce mag, on se retrouve mercredi à 18h pour un nouveau numéro. En attendant, restez bien à l'écoute de nos programmes sur le 93 et le 94.7 FM.